Ce lundi 9 décembre 2024 marque le début des élections pour la présidence de la Fédération française de badminton qui auront lieu jusqu'au 14 décembre. Nous recevons aujourd'hui Franck Laurent, tête de liste d'Ambition Badminton, la seule à se présenter. Nous avons parlé avec lui de ses projets pour aider les clubs, pour mettre en place la réforme du classement à venir, les changements à apporter au top 12, la reprise en main des dépenses de la fédération et de bien d'autres sujets. Nous espérons que vous allez apprécier ce nouvel épisode de... 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that! Et nous recevons donc Franck Laurent, tête de liste d'Ambition Badminton. Franck, merci beaucoup d'être avec nous pour la troisième fois dans ce podcast, je pense. Donc, merci beaucoup. Oui, bonjour. Bah, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve et c'est toujours un moment très agréable avec vous. Donc, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Et je suis évidemment, je l'ai oublié de le préciser avant, comme d'habitude, accompagné de Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, bonjour Franck. Alors Franck, une première question un peu générale, celle qu'on pose un peu à chaque fois. Évidemment, on va s'intéresser aux élections et à votre programme. Mais d'abord, vous personnellement, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Certains auditeurs ou auditrices vous connaissent peut-être en tant que directeur de l'Orléans Masters, mais c'est pas la seule chose que vous faites dans le monde du badminton ou avez fait. Donc est-ce que vous pouvez un peu voilà résumer votre parcours ? Alors, j'ai une petite précision, je suis président de l'Orléans Master. Excusez-moi, président. Non, c'est important de préciser, j'ai pas de rémunération, moi, j'ai pas de sur l'Orléans Master de Badminton. Bon, mon parcours, hein, j'ai pris une première licence il y a 33 ans à Coutances, dans la Manche. Et voilà, et après, j'étais surtout joueur, hein, j'étais joueur pendant de nombreuses années. Un petit niveau et je suis devenu président du CLT au badminton à Orléans en 2004 et vers la fin de ma présidence en 2012 j'ai monté l'Orléans Masters et après sur les années d'après à partir de 2015 je me suis occupé que de l'Orléans Masters qui est devenu maintenant un tournoi BWF 300. Donc où il y a une structure de salariés, il y a une structure d'apprentis, de salariés, voilà, c'est une structure qui tourne très, très bien aujourd'hui. Et en parallèle de ça, en 2022, il y avait des postes vacants à la fédération, j'ai fait candidature, j'ai acte de candidature où j'ai été élu. Et je suis devenu le trésorier général il y a un an, quasiment jour pour jour, parce que c'était le 14 décembre. Donc voilà, suite un peu voilà aux péripéties de la fédération. J'en suis devenu le trésorier général voilà depuis quelques temps avec l'équipe, on se propose de prendre la suite du pilotage de la fédération. Est-ce que la présidence de la fédération, c'est une forme de suite logique finalement à ce parcours ? La candidature en tout cas pour l'instant. Mais... La candidature, oui, c'est une suite logique. Forcément, je suis très impliqué dans le badminton depuis toujours. Le badminton m'a apporté beaucoup, à titre personnel et professionnel, on peut dire aussi. Voilà, moi j'ai envie de continuer à donner au badminton en tant que bénévole, un peu plus là, parce que c'est quand même un peu plus, on va dire, la présidence de la fédération. Même si c'est plus tout à fait une fonction bénévole, mais bon. Mais voilà, d'y apporter ma contribution et mon savoir-faire et d'y apporter les sujets que j'ai envie d'y mettre sur la table pour la prochaine Olympiade. On va rentrer un peu dans le vif du sujet avec ce que vous proposez, vous et votre équipe, et un point un peu clé du mandat précédent, et j'imagine un peu de tous les mandats, en vrai, c'est la situation financière de la fédération. Et comme vous l'avez dit, vous êtes trésorier depuis un an, donc vous êtes évidemment très au courant de ça. Vous annoncez avec Ambition Badminton vouloir améliorer donc cette situation financière de la fédé et trouver de nouvelles ressources. Du coup, je me suis demandé un peu ce que vous entendiez par là et ce que c'était ces nouvelles ressources justement. Déjà, il faut faire un point, la situation financière de la fédération. On est 2023, on a eu 1,3 million de déficit, ce qui a amputé beaucoup les fonds propres de la fédération. On a fait un plan, alors on va dire un plan de rigueur, comme on le souhaite, en mars, hein, ce que j'ai proposé à l'Assemblée générale de mars, à l'ensemble des représentants des ligues. Ce plan, eh bien, il consistait à, bien sûr à faire à une réduction des dépenses assez forte. Hein. On a supprimé les aides au club à venir, on a supprimé la part variable de gestion, on a supprimé l'aide au pôle espoir, on a supprimé pas mal de choses et on a fait une augmentation de timbre de 3 euros. Voilà. Tout le monde a joué le jeu, ça a été voté à plus de 70%, je crois, de mémoire. Ce qui est important, c'est que voilà, on s'est collectivement, on a pris des engagements ensemble pour redresser la barre. 2024 va se terminer avec une bonne situation financière parce qu'on va être positif. On est à un mois près là, mais bon, on sait qu'on va être positif dans les comptes. Après, c'est le montant du positif hein, qu'il faudra déterminer parce qu'il faut que les experts comptables passent et ils ont toujours des petites écritures à nous faire passer, des provisions, des choses comme ça. Donc, on va les laisser faire leur travail. Mais on va sortir avec une situation financière qui est quand même plus saine. Dans notre programme, effectivement, on souhaite avoir une gestion rigoureuse de nos finances. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit très réaliste de nos dépenses par rapport à nos recettes. En fait, hein, on va essayer de ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne. C'est aussi simple que ça. Donc, ça veut dire qu'on ne fera pas d'investissement sur l'avenir en disant bah, « Tiens, on va amputer le budget de 300 000 ou 500 000 parce qu'on va investir sur tel ou tel truc. » Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'il faut qu'on soit qu'on ait une gestion, comme on dit, de bon père de famille ou de bonne mère de famille. Hein, mais il faut qu'on soit très sérieux dans notre gestion. Ça, c'est un point. Des nouvelles ressources financières, il peut y en avoir. On a un plan qu'on veut mettre en œuvre, c'est la partie partenariat, mais on veut la faire autrement. Aujourd'hui, c'est un salarié de la fédération qui s'occupe des partenariats. On passera par des gens qui savent faire, voilà. Qui sont complètement en dehors du badminton, mais qui eux connaissent le monde de l'entreprise, qui connaissent le monde des réseaux des entreprises pour aller chercher du partenariat. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a aussi l'économie autour de la billetterie. On parle surtout sur les grands événements. Aujourd'hui, on est trop fébrile sur notre billetterie. Hein. Si on se compare à d'autres sports, pas plus de taille, pas plus grosse que le nôtre, hein. Ils font des billetteries, on va dire, où c'est une des vraies sources d'argent pour financer l'événement. Hein. L'objectif, c'est pas d'enrichir la Fédération française de badminton. Hein. L'objectif, c'est qu'elle puisse se développer et mettre en place les actions qu'on souhaite mettre en place. Donc voilà, il y a des sujets autour de la billetterie. Il y a des sujets d'économie. Pardon, c'est... juste pour nos auditeurs, par grands événements, on parle peut-être des gros tournois type IFB, Orléans Masters, Nantes. Ouais. C'est ça. Alors, ok. Ouais, les grands événements, c'est voilà. Quand on parle des grands événements, on parle alors pour la fédération, on parle des IFB principalement. Alors, l'Orléans Master, c'est un cas particulier parce que c'est une association qui est à part. Nantes, alors Nantes ne renouvellera pas, mais ce qui était porté par la Ligue Pays de Loire. Il faudra qu'on cherche un nouvel organisateur. C'est dommage de laisser cette licence en déshérence. Il y a aussi les événements par Abad aussi qu'on veut, qui devaient se faire, mais pour l'instant on cherche un organisateur. Voilà. Il faut que ces grands événements soient autonomes financièrement. Les autres pays, si on compare aux autres pays où il y a du badminton, ce sont des sources de revenus. Donc là, nous, il faut qu'on se pose des questions sur que ça, ces événements-là soient des sources de revenus pour nos adhérents. Ah, pour éviter d'augmenter toujours la fédération. Parce que autrement, notre seule source de revenus, c'est 6 millions d'euros, c'est la licence. Et sur 11 millions. Après, c'est de la subvention, et après, c'est de la subvention publique, et après, c'est de la subvention sur de l'événementiel. Non, c'est l'événementiel. Donc, si on ne veut pas se reposer uniquement notre modèle économique sur de la licence, il faut qu'on ait d'autres sources de revenus. Et du coup, encore une fois, je pense que c'est important mais de mettre du cadre, mais pour que nous, on comprenne, mais que nos auditeurs et auditrices comprennent aussi, dans un budget type, c'est quoi le poids des différents grands sujets? Je vous demande pas d'aller dans le détail, mais on pense au fonctionnement de la Fédé, au niveau, à la formation. Ça peut être au service des clubs. Comment on répartit un budget prévisionnel d'une fédération de badminton? La question est peut-être un peu complexe, je vous demande de la faciliter. Mais... Ouais, on va simplifier parce que c'est une question. Alors, il y a des différents secteurs dans la fédération. Il y a des secteurs qui pèsent plus, qui sont un peu plus lourds que d'autres. Alors, je vais arrondir les chiffres pour que ça soit simple. Par exemple, la haute perf. Secteur de l'INSEP, des pôles espoirs, des clubs à venir, des salariés qui vont avec, tout ça, c'est 3,5 millions. Voilà. Et ça comprend le para et les valides. Hein. Donc ça coûte très cher. Le deuxième secteur, c'est l'événementiel, c'est 2,5 millions. Alors je parle hors championnat du monde. Parce que attention, il y a le championnat du monde l'année prochaine, il faut être précis, il y a un budget en plus. Donc l'événementiel, ouais, c'est 2,5 millions. Et après, il y a la masse salariale, donc tous les salariés qui travaillent au quotidien pour la fédération, c'est aussi 2,5 millions. Donc ça fait 5 plus 3, ça fait 8,5. Et après, la vie sportive, ça doit être 500 000. La perf sociale, ça doit être 500 ou 700 000 à peu près. Je suis en train de regarder rapidement, mais la com de la Fédé, c'est 300 000. On va dire, c'est des petits bouts de budget à coût de quelques centaines de milliers d'euros qui sont distillés à droite à gauche. I'm the bad guy. Take that. On va revenir un peu sur cette liste Ambition Badminton. C'était quoi votre projet de base, un peu ce qui vous a fait dire je vais me présenter, et comment vous avez rassemblé votre équipe? Et j'aimerais bien que vous disiez un mot là-dedans du rôle de Thierry Stemfel, qui a l'air d'être à vos côtés pour toute cette liste. Alors il y a l'idée de base, déjà, c'est d'être orienté vers les territoires et les clubs. Ce qu'on souhaite faire principalement, si on prend une ligne directrice dans ce qu'on propose, c'est la structuration du badminton en général. Voilà, c'est l'équipement est un point très important, le financement des équipements, l'emploi. Et aussi très important, la formation, parce qu'on peut pas avoir d'emploi si on n'a pas de formation. Si on forme pas les futurs entraîneurs de demain, on peut pas avoir d'employés dans nos clubs, ou de développement territorial. Hein. Voilà. Tout ce qui est conseil au territoire, donc on veut monter un conseil des territoires, mais ça c'est pour pouvoir s'inspirer des clubs et des comités départementaux et des ligues, pour pouvoir faire des remontées de terrain vers le conseil exécutif. Ça c'est quelque chose de très important. Donc vraiment, si on a une ligne directrice sur le projet, c'est la structuration de la fédération pour son développement. Donc on veut être orienté vers la base de nos adhérents, qui sont les clubs. Et après, chacun a apporté sa pierre à l'édifice, hein, dans la liste. Hein. Thierry a été responsable du projet, donc c'est lui qui a monté tous les ateliers autour de ce projet-là. On a réuni plus de 70 personnes, des experts de terrain à droite à gauche, des gens qui travaillent en proximité dans des clubs ou plus au niveau national, mais voilà, il a coordonné ce point-là. Et ensuite, chacun de la liste a apporté son élément et sa sensibilité, pardon, pour construire ce projet. Mais voilà, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment on veut aider les clubs, parce que je parle beaucoup des clubs, mais ça va aussi avec les comités et les ligues, hein, à se structurer, parce que l'objectif, ça reste quand même de structurer les clubs pour qu'on puisse avancer. Hein. C'est les autres sports, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Moi, je regarde beaucoup ce que font les autres. Ils sont beaucoup passés par la structuration, ça veut dire de l'emploi, des équipements spécifiques, des nouveaux formats de compétition aussi. On en parle aussi dans notre programme. Voilà, par des choses très concrètes qui seront des outils utiles pour les clubs. En regardant votre programme et aussi votre liste Ambition Badminton, je me suis dit, dans le programme, il y a un peu de tout. Dans la liste, il y a des gens, il y a des personnes de tous horizons. On sait qu'il y a on voit qu'il y a des anciennes joueuses, il y a des entourages de joueurs, il y a des gens qui bossent dans les ligues, dans les différents comités. Il y a des opposants à Johan Penel, notamment Nathalie Huet. Est-ce que cette volonté de rassembler, et même j'ai envie de dire un peu de froisser personne, c'est volontaire, c'était votre idée à la base? Alors, moi, j'ai assisté 2 ans au comité exécutif. J'ai pas l'impression que Nathalie était une opposante. Hein. Elle a quand même. Elle s'était présentée contre lui et elle a exprimé aussi, ses désaccords avec lui. Mais moi aussi, j'étais sur la liste de Nathalie, oui. Et je suis le trésorier de Johan aujourd'hui. Hein, donc, Julien Laffey était sur la liste de Nathalie aussi, et c'est le vice-président des grands événements. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait une opposition aussi nette. On peut le croire je siège au comité exécutif aujourd'hui et il y a de l'opposition plutôt constructive, hein, très constructive. Hein. L'idée, si on prend les caractéristiques de la liste, grosso modo, il y a un tiers de personnes qui ont déjà siégé au conseil exécutif, donc des gens qui ont de l'expérience, qui savent ce que c'est, qui savent ce que c'est qu'une fédération. Les deux tiers, on va dire, de gens de terrain qui sont très impliqués dans leur domaine, hein, soit au niveau de l'arbitrage, au juge arbitrage, soit dans un club, soit dans une ligue, mais des gens qui ont de l'expérience, plutôt orientés de terrain. Donc il y avait une idée de renouvellement, mais une idée aussi quand même de dire on ne peut pas arriver à la fédération en disant on n'y connaît rien et on va tout changer. Donc là, il y a quand même des gens qui savent ce que c'est qu'une fédération et des gens nouveaux et des nouveaux visages qui ont beaucoup de talent et beaucoup d'idées. Donc il faut les mettre en avant. Et alors l'idée de pas froisser personne, c'est pas une question de froisser ou pas de froisser, c'est de trouver un bon équilibre dans une liste. Donc il faut pouvoir avoir les compétences et les gens qui puissent construire le projet qu'on souhaite mettre en œuvre pour cette fédération. Donc il y a un équilibre qu'on a trouvé dans cette liste. On aurait pu être un peu plus nombreux, mais on a décidé de s'arrêter à ce nombre de 24 personnes mener cette campagne et aller jusqu'au bout. Aimez-vous le badminton? Ah non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. On a parlé un peu de ce que vous aviez mis dans votre liste. Du coup, on mettra évidemment le lien du site et Ambition Badminton, comme ça nos auditeurs et auditrices pourront retrouver tout ce dont on ne peut pas parler ou même ce dont on aura parlé aujourd'hui, mais on a un peu suivi ce qui s'était passé pendant le dernier mandat et Johan Penel a clairement mis l'accent sur l'impact sociétal du badminton. Donc c'était avec, je pense en premier à Badminton Santé ou encore à l'inclusion. On retrouve un peu moins ça dans votre programme et sur votre site. Alors est-ce qu'il y a une sorte peut-être de... Je ne sais pas si on pourrait dire sport pour le sport, je vais peut-être un peu trop loin dans l'expression, mais est-ce qu'on met moins l'accent là-dessus et on voit... Il y a moins, vous avez raison, on met moins en avant la partie impact social. L'idée, c'est pas qu'on va remettre en cause ce qui a été fait, hein. C'est pas ça. De toute façon, ça existait déjà dans la mandature de Florent et ça existait avant. Bien aussi. Sûr. Donc c'est les actions qui sont en cours, on va les continuer. On prendra peut-être un prix, c'est un peu différent, peut-être en faire un peu moins, mais peut-être un peu plus avec un peu plus de moyens, parce que on fait beaucoup de choses au niveau de la Fédé, et donc une question à se poser, c'est savoir si on doit tout faire au niveau fédéral ou est-ce que c'est pas plutôt la proximité, les clubs qui doivent le faire. Donc oui, on a mis un petit peu moins en avant le prix de l'impact social, parce qu'on considérait que c'était pas le sujet des clubs aujourd'hui. Qu'est-ce que nous, quand on a fait le tour des clubs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous parlent ? Ils nous parlent de la réforme du classement, des nouveaux formats de compétition, des interclubs, les volants plumes, c'est trop cher. Ce qui est, mais voilà, c'est la réalité, c'est ça qui nous parle les clubs aujourd'hui. Donc on a plus accès à des mesures importantes sur ces sujets-là. Sur l'impact social, on continuera ce qui a été fait. Voilà, sauf qu'on mettra peut-être pas ça. Voilà, en termes de communication, on le mettra peut-être un peu moins en avant. Mais ça continuera. Vous m'offrez une transition parfaite parce que j'allais justement poser une question sur le classement, parce que je sais que moi je parle beaucoup à des compétiteurs et c'est toujours un sujet de discussion dans tous les tournois que je fais. Certains aiment le classement actuel, certains ne l'aiment pas, certains trouvent que ça change tout le temps, on n'y comprend plus rien. Si j'ai bien compris, vous avec Ambition Badminton, vous voulez le changer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous pouvez reprocher au classement actuel, est-ce que vous allez mettre en place? En fait, on va pas le changer, on va faire aboutir le travail qui a commencé il y a un an et demi par le groupe de travail qui est piloté par Robin. Donc moi, j'ai demandé à Robin qu'il continue. C'est pas parce qu'il y avait un changement de membre du comité exécutif que son travail devait s'arrêter, parce que ça serait bien dommage, et on est presque arrivé au bout. Donc l'idée derrière les études qui ont été faites, ça a été fait extrêmement sérieusement, avec beaucoup de recul sur la manière de faire un bon classement. C'est plutôt partir sur un classement qu'on type Elo, comme aux échecs, avec où le classement reflète exactement le niveau que vous avez. Ça veut dire que si vous avez 1000 points, que vous soyez un homme ou une femme, c'est que vous valez 1000 points. Ça veut dire que si la femme et l'homme rentrent sur le terrain, vous savez pas qui va gagner parce qu'ils ont exactement le même niveau. Moi, quand j'étais classé C à l'époque, je jouais contre des joueuses A et on avait exactement le même niveau et c'était vachement intéressant. Voilà. Là, c'est de partir sur ce principe de base qu'on donne une valeur de points à une personne et cette personne, on peut la comparer aux autres. Donc l'idée, c'est pas de réformer le classement, c'est de finir la réforme a été entamé dans la mandature précédente. Voilà. Il reste quelques petits ajustements à faire. On va les faire et on va aller jusqu'au bout et mettre en œuvre. Et quel serait, selon vous, le calendrier de ces réformes? Parce que c'est vrai qu'on m'a déjà posé la question et j'avais pas la réponse. Quand est-ce que ce système d'Elo pourrait être mis en place? Alors, l'idéal, ça serait pour septembre 2025. Maintenant, il faut qu'on vérifie. Il y a un petit point de vérification quand même, parce qu'il faut qu'on fasse voter les règlements en mars et qu'on ait les outils informatiques prêts en avril, quelque part en avril, pour pouvoir faire des comparaisons, etc. Donc, il y a ce petit point technique quand même, ces petits points techniques qu'il faut qu'on vérifie. Mais c'est, si on se donne les moyens, on devrait pouvoir y arriver pour septembre 2025. Look at this, look at that. Il y a un sujet qu'on ne pouvait pas passer en sachant que la dernière fois que vous êtes venu, c'était pour ce sujet-là, c'est le top 12. Pour être très honnête et pour vous dire les choses, nous, cette année, on a arrêté d'en faire des épisodes à chaque journée parce qu'on trouvait à notre niveau que ça manquait d'intérêt. On s'est posé la question parce que aussi ça semble manquer d'intérêt pour les gens qui suivent le BAD. On nous le dit régulièrement, cette année, il y a encore un club qui s'est retiré comme l'année dernière. Vous avez été en charge du dossier sur la fin du mandat. Il n'y a pas eu finalement de réforme. Est-ce que vous prévoyez de faire quelque chose au cours du mandat, pas forcément au début. Est-ce que c'est dans vos projets? Je peux le dire, hein, on peut être honnête un peu, je me suis cassé le nez pendant le mandat sur ce dossier-là. Le mandat d'avant, on s'est cassé le nez aussi dessus. Et celui d'avant, mais on peut le dire, vous n'êtes pas le seul aussi. Oui, voilà. Voilà, exactement. Hein, c'est pas juste vous. Oui. Donc, j'y croyais fortement. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est d'accord pour le réformer. Ça, jusqu'à là, on est tous d'accord. Mais là, maintenant, c'est quelle réforme? Donc, il va falloir qu'on trouve une méthode avec les clubs de top 12 et de N1. Je pense qu'il faut associer les clubs de N1 parce que il faut les mettre dans l'antichambre. Hein. L'objectif d'être en N1, c'est de monter en top 12 à un moment donné. Donc, il faut qu'on se mette d'accord autour d'une table, déjà sur la méthode. Comment on veut faire avancer le dossier. Donc, on va relancer cette réforme. Je ne sais pas si ça va mettre 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus, j'espère pas plus, mais qu'on puisse aller au bout d'une réforme, parce qu'on ne peut pas rester dans un truc où tout le monde est mécontent. On ne peut pas rester quand même dans un état comme ça, bah vous, même si les médias comme vous ne les suivez pas, le top 2, c'est quand même bien dommage. Donc, il faut qu'on puisse avancer sur ce sujet-là. Moi, j'ai une idée, et j'en avais une il y a un an sur cette réforme, de réduire le nombre de matchs, peut-être de plus de journées, et d'avancer comme ça. Mais je ne sais pas si les clubs de top 12 sont prêts à l'entendre. Donc il va falloir qu'on se mette d'accord avec eux pour pouvoir avancer. Mais oui, ça fait bien partie des projets. Ça sera un sujet difficile. Toujours sur le haut niveau, vous annoncez dans votre programme une ambition sportive. Vous, dans vos bullet points, un peu, il y a développer le haut niveau en apportant une attention particulière au haut niveau féminin. Et du coup, ça m'a forcément interpellé parce que nous, le haut niveau et les joueurs français, c'est ce dont on parle quasiment toutes les semaines dans 21 Shuttle. Et c'est vrai qu'on note que c'est particulièrement visible en ce moment, en tout cas pour l'équipe de France. Il y a une disparité très forte entre le simple dame et le simple homme. Et c'est vrai qu'il y a des domaines, notamment c'est vrai que la formation féminine, on semble avoir un retard. Donc quelle est votre vision de ça, et avec votre équipe, qu'est-ce que vous pourriez un peu mettre en place pour le haut niveau, et notamment, comme vous le soulignez dans votre programme, le haut niveau féminin? Alors, j'ai pas d'avis préconçu sur ce qu'il faut faire. Je ne suis pas un spécialiste de. Mais ce que je sais, c'est qu'on a embauché, et, on a voté pour l'unanimité, je crois, pour qu'on ait un spécialiste du badminton féminin dans la DTN, hein, qui est Fernando Rivas. Donc on a des attentes vis-à-vis de lui. Et je lui ai précisé que moi, ça allait être mon sujet. On ne peut pas avoir 3 joueurs. Simple homme masculin dans le top 25 mondial. Je crois que j'ai pas vérifié les classements, mais je pense qu'ils y sont encore. Ouais. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Hein. Et d'avoir notre première joueuse féminin, je regarde Léonie, elle est 67e mondiale. Voilà. 67 mondial, je me souviens que quand il y a 15 ans ou. Il y a 15 ans ou 20 ans, on va dire que quand on avait un joueur qui était dans le top 50 mondial, on était content. On ne peut pas se satisfaire de cette situation-là. Si on arrive à former des joueurs, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à former des joueuses. Donc, il faut qu'on prenne le sujet, qu'on puisse identifier là où sont nos faiblesses sur la partie féminine. D'autant plus que, est-ce que c'est que le haut niveau ou est-ce que c'est toute la filière qui a une problématique? Et donc, on a posé la question à Fernando, il va nous faire des propositions. C'est lui l'expert du sujet, donc ça va être le sujet sur la table va être le badminton féminin. On a marqué à tout niveau, au départ on l'avait marqué le haut niveau, mais c'est plus à tous les niveaux qu'on puisse avoir plus de femmes dans le top français et mondial. Demain. Parce que même si on regarde les garçons, et là on a 3 garçons qui marchent super bien, mais derrière ça pousse. On sent que derrière ça pousse. Donc par contre, voilà, on a une problématique sur le badminton féminin et il faut qu'on puisse avancer. Donc ça va être un sujet à regarder s'il faut mettre des moyens financiers supplémentaires sur les femmes. Est-ce qu'il faut faire une autre organisation spécifique? Ça, on va y travailler avec la DTN. C'est intéressant que ce soit mis au centre des débats, ou du débat, je ne sais pas, mais parce que c'est quand même quelque chose, nous en tant que médias, et même nous à notre petite échelle en tant que joueurs de plus petits clubs, en fait on le voit partout. Au haut niveau, vous l'avez dit, mais c'est une évidence par rapport au badminton masculin, et on le voit aussi en fait dans les clubs, parce que parfois on manque de filles en interclub. Si on va encore plus chez les jeunes, ben on se rend compte que c'est plus compliqué parfois de garder des filles qui jouent très bien, qu'elles continuent après les études. Et enfin, il y a plein de sujets autour du badminton féminin. Et je pense, enfin, vous l'avez dit, mais c'est un sujet vraiment majeur. Et on n'a peut-être pas toujours senti que c'était mis au centre des débats. Bon, là, clairement, c'est le cas. Il y a plusieurs sujets autour de la place des femmes dans la fédération, soit en tant que joueuse. Bien sûr, il y a un sujet qu'il faut se poser, la question, c'est les entraîneurs. 7% des postes d'entraîneurs sont des femmes. Est-ce que les deux sont pas liés? C'est une question à se poser quand même. Je sens que naturellement les hommes ont plus tendance à vouloir entraîner des hommes plus d'empathie, on va dire, peut-être, ou mais c'est un défaut naturel. Donc si on avait une mixité un peu plus forte dans les entraîneurs, peut-être que ça nous aiderait aussi à faire progresser. Et il y a aussi le sujet des dirigeantes. 20% des clubs ont une présidente, un président féminin à leur tête. Donc vous voyez, on a plusieurs sujets autour des la position des femmes dans notre sport, alors qu'on est un sport complètement mixte. On est un sport, il y a aucune raison naturelle, on va dire, que les hommes dominent ou que les femmes se dominent, comme pourrait y avoir comme dans d'autres sports, comme ça a été dans le rugby ou dans la gym, par exemple, où naturellement les femmes allaient plus vers la gym, les hommes plus vers le rugby. Nous, c'est pas notre cas. Nous, on n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu, on va dire, une séparation entre les hommes et les femmes dans notre sport. Donc il faut qu'on mette ces sujets-là sur la table et j'espère qu'on pourra les porter et faire avancer un peu c'est la représentativité femmes-hommes dans notre fédération soit plus importante ou plus égalitaire, on va dire. Sachant que, si je prends le cas des dirigeantes, tous les comités départementaux, toutes les ligues ont des problématiques occuper les postes féminins ou les clubs ont des problématiques, donc ça, les femmes ne viendront pas prendre la place des hommes, parce que parfois on a un peu cette notion là, mais non, c'est juste qu'il faut qu'on ait plus de dirigeants et ça passera par les femmes. Oh my goodness. On va changer complètement de sujet. Désolé de passer du coq à l'âne et pour vous et pour nos auditrices auditeurs, mais il y a un sujet qui est revenu beaucoup ces derniers mois. Nous aussi, on en a entendu parler, alors que jusque-là, c'était pas trop le cas. C'est le sujet de la maison du badminton, le projet, parce que je dis le sujet, mais c'est plutôt le projet. Et au mois de juin dernier, on n'a pas pu passer à côté, mais lors d'un comité exécutif, il y a eu un vote auquel il y a eu... En fait, c'était un vote pour continuer les études du projet. N'hésitez pas à me couper si je dis une bêtise. Et il y a eu une égalité au vote. Et c'est le vote du président actuel, donc Yoann Penel, qui a fait pencher le résultat dans le sens de ne pas continuer ses études de la maison du badminton. Vous aviez proposé d'ailleurs de voter à bulletin secret à ce moment-là. Ça a été refusé, donc il y a eu un vote à main levée. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet aujourd'hui, maintenant que vous êtes candidat? Est-ce que déjà vous souhaitez le continuer ou pas? Est-ce que ça va être remis au vote en comité exécutif, pardon? Et peut-être, il y a plusieurs questions en une, je suis désolé, et peut-être expliquer à nos auditrices et auditeurs en quelques mots ce que c'est que ce projet. Là, il y a plein de questions. On va prendre 2 minutes. Déjà, vous êtes bien renseigné sur ce qui se passe au comité exécutif. Alors, on s'intéresse avant de recevoir nos invités, quand même. C'est intéressant. Pourquoi j'avais demandé le vote à bulletin secret? C'est parce qu'il y avait des pressions. Il y avait des pressions sur certains membres du comité exécutif pour qu'ils votent pendant, pas comme ils devraient le voter. Donc c'était un peu tendu. Donc j'avais proposé pour la sérénité des débats que ce soit un vote à bulletin secret. Bon, ça c'est du passé, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il faut partir du problème. On a un problème. On a un problème à la fédération, le siège de la fédération, qui est un atout, qui est un héritage qu'on a reçu de nos prédécesseurs. Mais aujourd'hui, il n'est plus adapté à notre à la vie fédérale. Je vais prendre des exemples concrets. On peut pas faire les conseils exécutifs au siège de la fédération parce que c'est trop petit. La salle de réunion est trop petite. On peut pas faire les formations non plus là-bas. Parce que c'est pareil, pour la même raison, il y a pas assez de salles et c'est trop petit. C'est une copropriété, c'est une très grosse copropriété. Il n'y a pas de réserve d'argent. Vous savez, quand vous êtes copropriétaire, vous mettez un peu d'argent de côté tous les ans et pour les travaux futurs, hein, c'est la loi. Ça n'a pas été prévu dans la copropriété. Nous on a une toute petite part, hein, dans la copropriété, hein, dans le siège fédéral, c'est une toute petite part, et on va aller vers des travaux futurs qui sont très coûteux. Et en plus, c'est une copropriété où il y a des litiges, hein, des litiges, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc on a un siège social qui n'est plus adapté, qui est en train de se déprécier comptablement. Aujourd'hui il a été évalué à 1,4 million, mais on n'est pas sûr que ça vaille ce prix là aujourd'hui, parce qu'il y a des nouveaux bâtiments qui se construisent avec toutes les normes HQE etc. Juste autour, à proximité. Donc moi, si j'étais entrepreneur entre ce bâtiment là et celui d'en face, je prends celui d'en face, hein, pour le même prix, il n'y a pas photo. Donc on est dans une situation où on a un siège social qui n'est plus adapté à nos besoins. Ça c'est le problème. Maintenant, il y avait une solution, ça a été le sujet du vote, de dire allons au bout de nos études, regardons ce qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qu'on veut faire du siège de la fédération, et il y avait ce projet de la maison du badminton. Ce projet est toujours sur la table, il existe toujours. Il y a d'autres projets qui existent aussi, qu'il faut regarder aussi, et qu'on puisse comparer. Moi, je suis assez favorable pour qu'on puisse aller vers un nouveau projet de siège social pour développer notre fédération. Maintenant, après, dans la fédération, il y a des bruits qui courent. On parle en millions d'euros, etc. Oui, un siège social, ça coûte cher. Ça, c'est vrai. Mais c'est jamais comme ça qu'on regarde le financement. Quand vous achetez votre maison, vous regardez pas le prix de la maison, vous regardez combien vous pouvez rembourser par mois. Et c'est ce que fait la banque. La banque, elle vous dit, vous pourrez rembourser 1000 euros par mois, 1500 euros par mois, et voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on regarde, c'est quelle est la capacité financière de la fédération, qu'est-ce qu'elle peut dégager tous les ans, si elle peut dégager 100 000, 150 000 ou 200 000 euros pour la loi, pour un siège social, et au bout de 20 ans, ça lui fera un capital de tant de millions d'euros. Ce qu'ont fait nos prédécesseurs sur le siège social actuel. Donc il faut qu'on aille au bout d'études, regarder ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on va en faire. Donc moi j'en suis clairement favorable, mais on fera les choses le plus sérieusement au monde. On ira au bout d'études et on mettra pas en péril la fédération comme on peut entendre dire ils vont dépenser des millions d'euros. Mais non, la réalité c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Il faut être sérieux dans ses propos. Et travailler sur des montages financiers pour que le coût soit le moins possible. Il faut savoir que si on changeait juste de siège social à surface équivalente, on pourrait gagner quasiment 20 à 30 000 euros rien qu'en fluide, parce que ça nous coûte cher en chauffage, ça nous coûte cher en entretien, etc. aujourd'hui, le siège social actuel. Voilà, il y a des gains qui se font aussi. Je pense que toutes les questions parfaitement J'ai répondu à toutes les questions, du coup. ont été répondues. On va abandonner un peu le fond et vos idées et votre programme. Moi, je voulais vous poser une question sur l'élection en elle-même, puisque sauf si j'ai raté une info majeure, Ambition Badminton est la seule liste à se présenter pour cette élection 2024, mandat 2024-2028. Est-ce que vous voyez ça plutôt comme un avantage pour vous parce que, déjà, vous êtes sûr de gagner Et en plus, on peut se dire que du coup, la vôtre est tellement complète qu'elle a découragé éventuellement d'autres des opposants. Ou alors, est-ce que vous voyez ça plutôt comme un inconvénient? Parce que du coup, vous allez être élu, mais face à personne. Donc, on pourrait penser que du coup, ça enlève de l'importance au vote, qui va changer de scrutin en plus. On va en parler juste après. Et que du coup, ça vous enlève un peu de légitimité. Comment vous voyez la chose, en fait? Pour simplifier, est-ce que vous auriez préféré qu'il y ait quelqu'un en face? Nous, on est candidat, mais on n'a empêché personne d'être candidat, déjà. ceux qui voulaient le faire, ils pouvaient le faire. J'ai aucun problème avec la démocratie. Moi, s'il y avait eu deux, trois listes, ça me dérangeait pas. Moi, c'est pas le sujet. On a mené notre barque de campagne. Ce soir, je suis encore avec les clubs. On continue à avancer. Du coup, par contre. Parce que c'est là où je veux en venir, la problématique, c'est qu'on a changé de mode de scrutin. Vous voyez, dans le Hand, il y a eu l'élection du Hand il y a 15 jours. Une seule liste, 86% de votants, 92% élu avec 92% des voix. Donc les clubs se sont mobilisés pendant cette élection. Malgré qu'il n'y avait qu'une seule liste. Nous, dans le badminton, on est en train de se dire le contraire. On est en train de se dire, ah bah, il n'y a qu'une liste, donc on va pas aller voter ou ça sert à rien d'aller voter. Et ça me dérange beaucoup plus, en fait. Ça me dérange beaucoup plus. Faisons de cette élection un vote pour le badminton. Oui, on sait qui va gagner la semaine prochaine. Mais mobilisons-nous. Ça n'empêche pas de poser des questions, ça n'empêche pas de nous titiller un petit peu sur le programme, de dire attention, vous avez oublié des choses ou il faudrait compléter des choses. Ça n'empêche pas ça. Mais allez voter, c'est un acte démocratique. Il faut que les clubs, les comités départementaux, alors pour les ligues, elles ont l'habitude, je pense qu'elles iront voter, mais ils se saisissent de ce bulletin pour aller voter. Les autres fédérations, mais je pense que le rugby aussi vote à plus de 90%. Alors ils avaient plusieurs listes, mais voilà, les autres fédérations vont voter. Et c'est ça qui m'embête le plus, c'est qu'on n'arrive pas dans le badminton à se dire, je saisis mon bulletin de vote et je vais faire entendre ma voix. Pour les autres listes, elles avaient qu'à se présenter. Et on aurait fait un super débat sur 21 Châtel. pour dans 4 ans, on verra. Voilà. Mais justement, j'ai une question puisque vous avez mentionné ce changement de scrutin. Il est plus direct qu'avant puisque maintenant il y a plus seulement les ligues, il y a les représentants aussi des comités et du coup des présidents et de clubs. Et du coup, vous diriez quoi à, on va dire, un président de club? Plutôt, j'ai en tête plutôt un petit club qui en fait comprend pas vraiment pourquoi il devrait voter même tout court et en quoi et qui se demande un peu mais cette élection en quoi elle me concerne moi et on va dire mes 50 100 licenciés quoi. C'est intéressant. Le club, allez, on va prendre le cas du petit club sans que ça soit péjoratif, mais c'est parce que c'est la plupart de nos clubs sur les 2000. On a 200 000 adhérents de 2000 clubs, donc un club c'est à peu près une centaine d'adhérents. La question c'est la fédération, qu'est-ce qu'elle lui apporte la fédération? Elle lui apporte des formats de compétition où elle peut jouer. Elle peut. Il y aura un système de classement demain qui pourra pour les joueurs compétiteurs qui lui permettra d'avoir quelque chose de on va dire qui est un outil. On apporte un certain nombre d'outils au club. Je prends des choses assez anciennes comme le passe-bad qui a été construit par Philippe Limousin il y a 20 ans. C'est des outils de développement. On fait du financement d'emploi, on fait la labellisation de poteaux de lignes au niveau fédéral. Ça veut dire que on autorise à jouer avec tel ou tel poteau pour des problèmes de sécurité, des choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'on les aide dans leur guide d'achat. On leur permet d'aller sur des grands événements sportifs avec des prix réduits. Hein. Par exemple, un licencié il payera moins cher son billet d'entrée aux IFB qu'un non-licencié. Voilà. Mais on pourrait citer des services. La fédération rend plein de services au club, sauf que parfois, ils sont un petit peu invisibles, ces services-là. Quand la fédération finance un emploi de développement dans une ligue, ou dans un comité par exemple qui va où cet employé va répondre aux questions des clubs, etc. Bah ça on le voit pas. Le club il le voit pas que la personne qui lui répond, bah son emploi il est financé par la fédération indirectement. Qu'une médaille gagnée à l'autre bout du monde, bah on parlait du budget de l'INSEP tout à l'heure. Il nous fait rêver aussi, nous, quand on regarde la télé, bah, vous suivez les grands tournois du monde, qui nous fait rêver quand on regarde ça sur YouTube, quand on voit Alex Lanier gagner Tokyo, gagner le tournoi de Tokyo, ça nous fait rêver. Et ça on le voit pas, mais c'est la fédération qui est derrière tout ça. Donc la fédération fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais sauf qu'on le market pas, on le dit pas assez, et on l'explique peut-être pas assez. Voilà, par exemple, les volants, on prend les volants. Jouer avec tel ou tel volant, c'est la fédération qui les labellise en France. Autrement, il pourrait y avoir tout un marché de volants, on ne sait pas d'où ils viennent, ou ce n'est pas de qualité qui correspondent, les qualités ne sont pas égales, on pourrait avoir un marché sauvage. Mais non, on structure les filières. Et donc, on est là, nous, fédération, pour vraiment structurer le badminton et le développement du badminton sur le territoire français. Alors, c'est sûr que ce n'est pas du palpable, ça ne va pas aider un club à ouvrir ses créneaux, quoique on pourrait parfois aussi les aider, mais c'est d'abord la proximité qui permettra ça. Mais c'est moins, un petit peu moins palpable que ce que peut apporter un comité départemental ou une ligue. Mais on fait beaucoup, beaucoup de choses. Et je trouve que vous l'avez très bien dit, mais pour moi, le changement aussi de mode de scrutin, là, des élections, c'est très lié à ça. C'est qu'on redonne aussi une importance au club, peut-être qu'on leur avait enlevé ou en tout cas qu'ils ne l'avaient pas assez. Je trouve que ça les responsabilise aussi vis-à-vis de la fédération. Ça, c'est que mon avis personnel, mais on avait fait un épisode avec un président de club où on avait discuté de ça. Et le fait aussi, alors une liste, deux listes, trois listes, peu importe, mais ça les responsabilise vis-à-vis d'une élection de la fédération française. Peu importe que vous l'ayez dit, qu'ils soient d'accord ou pas avec vos idées, qu'ils votent pour ou pas votre liste, mais je trouve que ça les responsabilise et ce vote de scrutin, il leur donne peut-être une importance qu'on ne voyait pas, qui n'était pas palpable, pas visible. Et là, peut-être qu'avec ça aussi, ça va leur donner l'impression, en tout cas l'impression, pas l'impression, mais ça va leur donner un peu plus de poids qu'ils n'avaient pas l'impression d'avoir. Ouais, il faut juste rappeler quand même que dans le code du sport, la fédération est une fédération de clubs. Hein, c'est voilà. On est organisé comme ça. Hein, la fédération française, elle est là pour piloter l'ensemble des clubs français. Hein. Donc après, on a les organes déconcentrés qui sont les comités départementaux et les ligues. Mais oui, ça. Donc nos adhérents réels, quand on lit le code du sport. Ce sont bien les clubs. Et c'est eux qui doivent avoir le pouvoir. Donc aujourd'hui, la loi du 2 mars 2022 a permis de redonner 50% de vote pour les clubs. Ça, les organes déconcentrés on reste dans le mode d'élection aujourd'hui, mais c'est important parce que ils ont tout le recul aussi. Ils sont plus à proximité aussi des sujets, surtout les ligues sont plus à proximité des sujets qu'on peut traiter au niveau fédéral. C'est important de trouver cet équilibre dans la répartition des votes. Et de redonner un peu ce pouvoir qu'on doit donner au club pour donner vers quelle sensibilité on veut aller dans notre choix de développement de fédération. Votre liste, elle s'appelle Ambition Badminton. Peut-être pour nos auditrices, auditeurs et tous ceux qui nous écoutent, comment on pourrait résumer en deux, trois idées simples, même si je sais que c'est jamais facile ce genre de questions. Oui, on s'est dit qu'il fallait qu'on ait de l'ambition pour notre sport et pour notre fédération. Donc on a pris ce mot ambition, on l'a décliné suivant 6 axes. Et s'il y a bien Une idée principale à retenir dans ces différents axes, c'est qu'on veut aider les clubs à se structurer, à se développer. Voilà. Je peux faire un résumé très court. Ça va être notre dernière question. On a essayé de vous lancer sur beaucoup de sujets, mais il y a encore beaucoup de choses à dire, et je renvoie encore nos auditeurs auditrices vers votre site qu'on va mettre en description de l'épisode. Est-ce que le mot de la fin un peu pour vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez rajouter? Ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse de ce moment d'élection un moment où les gens du badminton se sentent unis, voilà, et qu'on aussi à un moment, moi j'ai fait, on a fait beaucoup de visio là pendant les derniers jours, et je trouve qu'on se dénigre un peu trop de tout ce qu'on fait. On fait plein de choses super bien, il faut le savoir. Hein. Moi j'ai eu des échanges avec d'autres fédérations qui nous disent waouh, le badminton, par exemple, vous faites des trucs, c'est des trucs de dingue quoi. Les webinaires qu'on fait, qu'on publie, sont super bien faits. Les parties formation, c'est vachement bien fait. On intervient sur beaucoup de choses. Moi, j'aimerais bien qu'au niveau du badminton, on arrête de s'auto-critiquer ou s'auto-flageller un petit peu là, mais qu'on soit satisfait un peu de ce qu'on fait. Quand on voit qu'on a une croissance depuis 40 ans dans notre sport, on n'a pas eu de perte de croissance en 40 ans. On s'est développé, on est sur 2000 territoires. On a une progression encore de 5% cette année de nos licenciés. On a des événements, je parle des internationaux de France, on va accueillir les champions du monde. On arrive à les financer sans couler la baraque, comme d'autres fédérations ont pu faire dans le passé. On fait plein de choses qui sont vraiment super bien, et c'est indépendant du président passé ou à venir. Hein. On fait quand même plein de choses. Donc j'aimerais bien que tous les auditeurs se rendent compte de ça, qu'on est dans une belle fédération. Et le ministère le sait, qu'on est une très belle fédération. On est bien structuré, on est sérieux dans ce qu'on fait. Donc j'aimerais bien que tous les éditeurs, qui sont très nombreux sur 21 Châtel, j'en suis sûr, se prennent conscience de cela, qu'on fait un beau sport dans une belle fédération. C'est une belle conclusion. En tout cas, merci Franck Laurent d'être venu nous voir dans 21 Shuttle, et puis on vous souhaite du coup le meilleur. Alors j'allais dire pour cette élection, oui, mais surtout pour du coup la tâche qui vous attend, qui est quand même assez grande. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Que l'on soit d'accord ou pas avec Franck Laurent et son équipe, nous pensions qu'il était important de parler de ces nombreux sujets avec lui, et on vous fait confiance pour en débattre avec respect et politesse dans les commentaires et sur notre serveur Discord. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode plus classique avec le débrief des World Tour Finals. En attendant, vous retrouverez chaque jour un extrait marquant d'un épisode de l'année sur nos pages Facebook et Instagram. À la semaine prochaine.绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给在手中，绝不等候。你是否在经历着平凡？